evening. You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis and 106.0 FM in St. Paul, Radio Without Boundary. You can also listen to our show, Bonjour Minnesota, on KFAI.org. Vous êtes à l'écoute de Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM Minneapolis et 106.7 FM Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Le programme que vous entendez, bonjour Minnesota, et ce soir nous avons un programme spécial, meilleure chanson française de 2017. Yeah! C'est vrai? Ouais! On y va! Ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer. Hein. Comme, parce qu'il fait hyper froid dehors. Ah oui, oui, oui. C'est quoi? Il fait. I think it's better. It's like 1 degré. 1 degré. 1 degré Fahrenheit. Oui. It's better than 8. There was -8 this morning. Oh, it was horrible. -8 Fahrenheit. I decided not to go to work. I decided to work from home, and then I decided to stay in my pajamas. And then when I came here, I decided to stay in my pajamas and to put my clothes on over my... I haven't worn my pajamas under my clothes in a very long time. Since you got to Walmart or something? I don't know. I can't remember. I can't remember the last time I put clothes on top of pajamas. I had to have multiple layers this morning. Yeah. It was my only day at work this week, so I couldn't really, you know, skip it. Even though I didn't have any meetings, it was best for me to get in the office. I put in a 10-hour day today, but from home. I took my snow pants and, you know, 2 pairs of socks and my furry hat and my scarf up to my nose and 2 paires de chaussettes. Yep. Et sous-vêtements. How do you say long underwear? We don't have long underwear. Is there like a word for that? Okay. Quand j'étais petit, il y avait des collants. When I was when I was a kid, when we were going to ski, it was like tights. Uh-huh. Like ski tights were different, but I don't know. But we have long underwear. T'as passé une bonne Noël chez toi? Oui, oui, c'était calme. Des bons cadeaux? Oui, plein de cadeaux. Tout plein de cadeaux, mais pas trop matérialistique. Not too materialistic in the gifts category. Right. I had an incredible surprise. Did you get a puppy? No. My son got a puppy last year. Oh, nice. But this year, I got something that was on my Amazon gift list. Oh. And you know, when you throw out the list of what people could give you for Christmas, j'ai reçu une Swiss raclette. Wow! J'ai reçu une raclette pour 8 personnes. Awesome. Yeah, my dad gave me this incredible thing. It's a Swiss tradition to have this. It's like cooler than fondue, right? Yeah. So it's like this big grill. It's better than a George Foreman grill because it's like for eight people to grill their stuff on top. And then you have these little trays underneath to put the cheese to get broiled. And then you have the little scrapers for your cheese so you can get oozy cheese. Yeah, you get oozy cheese. And then you mix it with the potatoes and the bread. And yeah, it's really big in the Alps. So, je prévois une soirée raclette bientôt avec notre équipe. And so we're going to faire monter le raclette. tout le monde à Minneapolis, les villes jumelles vont faire raclette. Soirée raclette. Soirée raclette. OK. L'Alliance française avait fait ça il y a, je sais pas, 3 ans peut-être. Oh yeah? 4. Ils avaient fait une soirée raclette avec les bronzés font du ski. Ils avaient montré le film Les bronzés font du ski. Et en même temps, il y avait soirée raclette. Donc, c'était bien. Bien. C'est chouette. What kind of things could we think about? So we have put together an evening of music, meilleure chanson, best songs of French music 2017. And when we speak about Jour de l'An, right? Yeah, le réveillon. Or Saint-Sylvestre. No, c'est pas Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre. The Catholic name for New Year's Eve. How do we celebrate that in France as opposed to the United States or like? Well, I'm not sure, but it's... I mean, based on what I did with my family, typically the youngsters are going to parties. Mm-hmm. And the parents are going to parties too, but typically the parties are more involving like food and drinking seated and things like that, where, mm-hmm. you know, when you're young, it's involves more drinking and dancing. Mm-hmm. So, but it's big parties. And because we don't have Thanksgiving in France, yeah. Christmas is very much like the Thanksgiving. It's very, I mean, like Christmas is more family oriented, uh-huh. where New Year's Eve is more like friends and party. Mm. So it's a little bit different. People do it with family too, but yeah, I've been to both. Yeah, the experience of like the big dinner with a big seafood platter mm-hmm. and super soirée. I was never a fan of oysters. It's really big. Poor you. Well, I tried like a couple of years ago. I huh. tried. I went to Uptown and I tried. I said like, okay. Oh, you went to. STEL. Yeah. That was a bad don't go there. Well, no, because they just don't serve them. You should try a different restaurant downtown. I might, but... Anyway. I mean, I just wanted to give it a fair shot because yeah. I had not since I was like 9 and I almost gagged myself. Uh-huh. So I wanted to give it a shot again and I tried it and it was better than before, mm-hmm. but it was still not my favorite. I'm a big fan of escargot and foie gras. You are a big fan of escargot? I love them. Then you might want to try sauté oysters that have been fried. Have you had fried oysters? I've never had. Fantastic. Anyway. Okay, one thing you never want to do, just good conseil, never be on the metro for New Year's Eve. It's... In Paris, it's kind of crazy to move in mass transit in big cities. It's kind of scary. Well, you may not want to be by yourself, mm-hmm. and especially if you're a woman, because yeah. you're going to be kissed on the yeah, cheek by like people kissed you kissed by a lot of strangers while you're trying to go to a party. That happened to me. Did not like that. Yeah. What else? I went to, I'd pay for big parties, you know, you pay for the formula. Okay. You know, when you go to a party that's formula, you pay this money, you get the dinner, yeah. the whole so many show. Dishes. And yeah, and it's like exciting. And I wound up at the strangest party. It was like a private party at Pigalle and everybody was wearing crazy costumes. And it was well worth the money I paid, but okay. not the trajet en métro. Okay. Bon. Nous avons plein de chansons. We found at least 30, and we had to cut this down for our time, and we've been talking a lot. Yes. Parce qu'on s'est pas vu depuis une semaine. Hein? Yeah. So let's start out with a song. What do you want to start out with? I don't know. You choose. You pick. You're the lady of the night. Oh, tu es gentil. Okay. Let's start out with a song called... J'ai bien aimé une chanson qui s'appelle... Un autre que moi by Fishbach. Of course, we are going to save les meilleures chansons françaises 2017 jusqu'à la fin. We're going to les garder jusqu'à la fin. Mm-hmm. Okay? But these are some of the best selections we found on the internet, and they're from all the meilleures ventes, like the best sales of records, and our choices of collaboration online chatting today. Co-conspirators to bring you the best music. Here we go with Un autre que moi de Fishbach. Dans la fumée.

fondamental. On a tous toutes ces choses fondamentales. Et l'amour

femme. Et tu pleures, et tu pleures. Et je pleure des larmes de mon. Qu'on fasse de moi un homme. Je suis une fille perdue. Pas tant que ça. D'avoir perdu ma vertu. Je veux un homme en grandes épaules. Hein? En attendant, je rame seul. En attendant, je rame seul. En attendant, je rame seul. En attendant, tu rames seul. En attendant, tu rames seul. En attendant, on rame seul. En attendant, on rame seul. Seul. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène avant midi, mais elle ne viendra pas. Pas avant 3h30, car Mylène est comme ça. Elle a des choses à régler dans sa vie bien remplie. Et je ne suis pas le premier de ces morceaux choisis. J'aimerais bien m'allonger tous les soirs à ses côtés. Mais c'est un peu compliqué, alors je me tais. J'attends Mylène à la ferme. Sois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si son mari veut pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène pour lui dire que cette fois c'est fini. Que j'en ai marre de savoir qu'elle s'endort avec lui. Elle me dit qu'elle a des enfants et que ça ne se fait pas. De les noyer dans la rivière comme des tout petits chats. La famille décomposée, c'est le carnage assuré. Une vie recomposée, est-ce que ça vous dirait? À la ferme, elle me rejoint tous les week-ends. Avec une fleur à la main, je l'aperçois qui revient. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle s'endorme avec moi. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, mais l'amour ne suffit pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène à la ferme. Elle me rejoint tous les week-ends. Je l'aperçois du jardin. J'attends Mylène et je ferme un peu les yeux pour qu'elle m'emmène avec elle. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime, même si ça n'arrive pas. Mylène et moi, c'est comme ça qu'on s'aime. Mais l'amour ne suffit pas. J'attends Mylène. J'attends Mylène. J'attends Mylène. have an event coming up. Want to spread the word? Looking for a new way to attract people to your business? Consider underwriting with KFAI. We have a number of underwriting and sponsorship packages that can benefit you while helping to support the radio you love. Would you rather hear your message during this show or that one? You can contact sales at kfai.org or call the station at 612-341-3144 to discuss your options today. So we just listened to an announcement, but before that, we listened to Mickey 3D avec J'attends Mylène. And I don't know, it's not Mylène Farmer though, but they're waiting for her. They had some dark, cool songs like 10 years ago, Mickey 3D. A little bit at the same time as Bébé Brune, I think. Yeah, maybe 8 years ago. Yeah. Like, à l'époque. Kind of rock indie and stuff. And before that, he was Nathalie Moscou and Philippe Catherine avec Je suis un garçon sensible, which what was funny is that the woman and the guy were switching, you know, parts. Switching parts. Yeah, Philippe Catherine was the one talking about being I'm a woman and being a girl and things like that. So, c'est mignon. Yeah, it was cute. And Trois Cafés Gourmands avec À nos souvenirs. So we're going to listen to more music. Mm-hmm. And what are we going to listen to, Dana? I think we have just a little more time before the hour, so I think we should kick it off with Roche Voisine avec Tout me ramène à toi, everything that brings me back to you, and a song called Party Tonight by a group called French Kiss. It kind of makes me feel like Boney M, but the techno version of some big party coming up for the new Jour de l'An Saint-Sylvestre. Here we go. Ramène à toi, tout me ramène à toi, tout le temps. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout le temps. Il y a des jours qui sont passés, il y a des nuits qui ont brûlé, il y a des mois, des années. Il y a de l'eau qui a coulé, des ciels qui ont changé, il y a des mois, des années. Mais il y a toujours une chanson, un parfum dans la maison. Toujours ce que tu préfères dans l'air. Appelle-moi encore de temps en temps. Rappelle-toi comme on était vivant. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout le temps. Il y a des fronts qui ont soufflé, du sable qui a volé, il y a de ça, des années. Il y a des pages qu'on a tournées, des routes qu'on a tracées, il y a de ça, des années. Mais il y a toujours une chanson, un parfum dans la maison, toujours ce que tu préfères. Appelle-moi encore de temps en temps. Rappelle-toi comme on était vivant. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout le temps. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout le temps, tout le temps. Appelle-moi encore de temps en temps. Rappelle-toi comme on était vivant. Appelle-moi, ça me ferait plaisir. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Appelle-moi encore de temps en temps. Souviens-toi des plus beaux souvenirs. Tout me ramène à toi, tout me ramène à toi, tout, tout le temps. Mon regard se croise, je te vois sourire, et j'ai peur de la distance. On échange ses phrases, je te vois grandir, et je perds de la confiance. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Pour se parler, on n'ouvre plus le temps, et l'amour est virtuel. Comment faire pour te comprendre? Comment faire pour te décoder? Que faut-il que j'apprenne? Bye. que le son de sa suite chaque instant. We're all together for a good time. Bonsoir, vous écoutez Radio Community, Fresh Air, KFI 90.3 à Minneapolis et 106.7 FM à Saint-Paul, Radio Sans Frontières. Vous pouvez aussi nous écouter sur kfi.org et nous envoyer des nouvelles sur bonjourminnesota@gmail.com. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis and 106.7 FM St. Paul, Radio Without Boundaries. And the program we present is Bonjour Minnesota, Mais c'est la nuit, but it's evening, and you can contact us anytime at bonjourminnesota@gmail.com or on Facebook at Bonjour Minnesota. So, il est 21h à Paris, non? Non, il est 21h ici. Ah, ici? Dans le Minnesota. Da. Est-ce qu'on dit da en français aussi? Oh. Ok, dommage. Okay. Il y a des variations de oh. Ça dépend des régions. Je suis un peu fatiguée. I'm just a little tired, that's the excuse. Il est 4h du matin à Paris. Ah oui, à Paris. Et chez moi, dans ma tête aussi. Tu devrais déjà être couché. Just kidding. Et il fait froid. Did that song make you feel like a party? Yeah, that was a good one. Mm-hmm. Party Tonight by French Kiss. Ooh. What did we hear before that? We heard Céline Dion avec Les yeux au ciel. Mm-hmm. Et avant ça, c'était Rock Voisine avec Tout me ramène à toi. Rock Voisine qui était très célèbre avec Hélène. On essaiera de la passer un de ces jours. Mm. C'était vraiment populaire. Il est québécois. Now for the second hour of our show. Ta-da-da. Ta-da-da. Let's take a petit détour. And I wanted to play a couple of songs. This song, Alexandrie Alexandra de M. Pokora. And a couple of rap songs that we need to have. We were just talking about IAM's new album avec le chanson song Orthodox, mm-hmm. and Chargé de la Fouine. On y va. On y va. One sec. Sur les filles, et parc sur le nid. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne reviens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne reviens pas. Alexandrie, tu le fais. Alexandra, tu le fais. Alexandrie, oh l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. main sur les filles. Tu le bouges. Et parc sur le Nil. Tu le bouges. Je suis dans ta vie. Tu le bouges. Je suis dans tes bras. Tu le bouges. Alexandra. Alexandrie. Alexandrie. Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit. Tu le bouges. Qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me reviens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ils sont si persuadés qu'on veut les clés de la Porsche. L'égalité dans leur coffre, où sont les clés de la porte? Dis-moi, hein? C'est nous les petits à couleur. Que la pop était monochrome. On y amenait la couleur douleur dans nos curriculums. Changer en peace love ou la furiculum. Lorsque l'appât du gain défile, bon sens, tout paraît mal barré, ça vire au coup de croche, car le scooter est mal garé, c'est fou. On évolue dans un terrain limité, avec un plan de société merdique à imiter. Du nord au sud, on sent la dictature du bistrot. Nous, on se prend des leçons de France, des ébats, des fiscaux. Moquez-vous de nous, ouvrez la chasse au caïd, mais mieux voler Air Force qu'un air cocaïne. Moi, j'aime mes franges, j'aime mes frangines. Tête sur les épaules, smile aux lèvres avec le baladeur dans le jean. À ceux qui veulent qu'on passe à un autre groove et qui posent des questions tordues pour qu'on tue un autre groupe. Adios, bye bye. En mode laid back on le fait. C'est pas pour 100 personnes mais pour des. Pour mes beat cloqueurs, mes stylos beat rim croqueurs. Sans bruit de moteur font baliser Big Brother. Garde le cap même si le chaos tape à la porte. Nous on reste orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Salle de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Aujourd'hui la vie nous force à choisir un camp, mais cela ne pourra durer qu'un temps. La confusion nous on n'en veut pas. Si la paix marque le pas, on lui fera gagner son rang. Dans tout le pays on voit que ça fait plein temps que les choses n'ont pas bougé d'un cran. Si les potes veulent marcher au pas et nous attacher au mât, on ne se taira pas longtemps. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Salle de vinyle, gravé d'un rap orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Putain, après tout ça, ils pensent toujours ça de nous. Rien que de vulgaire, misogyne et voyou. Parfait exemple que l'échange reste un atout. Comme une phrase ou un move qu'on se réserve au cas où. Le son cool et leur discours a le même goût. Sort du même moule, toujours aussi flou. Et nous toujours aussi fous, on continue à chanter. Parce que la connerie, elle ne cesse d'avancer. Du coup ils veulent notre sourire et notre sœur sous écrou. Ça vole tout ce que ça bouge et ça nous cherche des poux. À genoux, la confiance à enlever ses dessous. Seulement Désolé, on préfère danser debout. Ils pensaient garder des moutons et on déboule comme des loups. Quand ils nous veulent au garde à vous, on pète le verrou et on passe le monde à la loupe. C'est pour nos gens en pleine couleur qu'ils voudraient engommer. On garde à l'abri ces valeurs qu'ils voudraient embaumer. Balancer dans un trou, faire taire nos tambours. Que l'harmonie reste sourde à nos chants d'amour. Craignant qu'un jour la chance ne fasse demi-tour. Ou que nos phrases finissent par les arder leur tour. Ils prennent le globe pour leurs égouts. Foutent la mer partout. Un, on s'écrit pour, ça s'écrit comme voyou. On rate droit même quand le chaos frappe à la porte. Nous, on reste orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Salve de vinyle, gravé de rap orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Orthodoxe, orthodoxe. Aujourd'hui la vie nous force à choisir un camp. Et cela ne pourra durer qu'un temps. La confusion nous on n'en veut pas. Si la paix marque le pas, on lui fera gagner son rang. Dans tout le pays on voit que ça fait plein temps que les choses n'ont pas bougé d'un cran. Si les boîtes veulent marcher au pas et nous attacher au bas, on ne s'éteira pas longtemps. On aime le son, les saps, les soirées, les rimes qui ont du sens, les flots d'enfoirés. Les fachos, les aciers sur des vélos sans sel. Nique les skins et leurs vestes long stay. Le mélange, l'échange, le partage. Tour du monde, la paix dans le pactage. Les haineux, on les embarque dans des charters sans sel. Nique les skins et leurs vestes long stay. La petite est chargée, mon phone est déchargé. Ma calache est chargée, la petite est chargée. Comme un RS4 qui revient alourdi de Tanger. La petite est chargée. Dans le sac de sport, on parle Anton, y'a pas de sanger. La petite est chargée, le brolic est chargé. Couchez-vous, dégagez. Le carte est cuit, j'aime trop boire à la bouteille. Elle t'a placé Alice au pays des merveilles. La grosse est retournée, elle est trop géchard. Elle a un de ses pétards, je crois que je vais rentrer tard. Ma colocataire est trop bonne, je la change tous les jours comme Airbnb. On sort les trucs, les têtes à tête, c'est bel et bien fini comme le R&B. Non, regarde, je vais pas fourrer la même qu'hier. Je bouffe la tête, j'aime mouille comme une serpillière. Comme Echo de Bebelo, je suis trop fier. Ratatata, tu finis sur une civière. J'ai deux téléphones, un pour ma go, un pour la tienne. On fait du salwa roya car ça coule dans nos veines. Les keufs me contrôlent, coup de fil au bas. La go est trop chaude, là le feu. Je la mène chez Dior, elle prend tout ce qu'elle veut. Gros la petite est chargée comme mon feu. La petite est chargée, petite est chargée. La go est chargée, la petite est chargée. Petite est chargée, la go est chargée. La petite est chargée. Petite est chargée, la go est chargée. La petite est chargée, la petite. La petite est comme mon gun, elle est chargée. Mon réservoir et mon Philippe ont quelque chose en commun. Gros demande à Patek. Mes petits ne font pas de musculation, ils préfèrent te tirer dans les pecs. La petite est Géchard, faut que je reparte au bon char. La petite est Géchard pour salaire à Mota, on se met les motards. Demande à Dixon, à Glenn ou bien Nelson. On a des noms qu'un Rital et Jefferson. Sur ma haute marge, j'attends que mon heure sonne. Connu dans le monde entier, toi t'es personne. Je roule trop de pelles, je suis trilingue. Hein, mes diamants brillent comme le crâne à Krillin. 78, ça finit en 6-9. Toi ta meuf te trompe, t'es vilain, vilain. Des millions, des millions, des millions. Ma go est trop chargée, mon bord est trop mignon. Des litrons, des litrons, des litrons. Une cuillère, une seringue, un morceau de citron. Quand tu galères pour avoir un fit, on peut appeler ça du crossfit. 3-4-5 Mathieu de Belvédère. Un négro, je vais prendre l'air. La petite est chargée. Petite est chargée. La go est chargée. La petite est chargée. Petite est chargée. La go est chargée. La petite est chargée. Petite est chargée. La go est chargée. La petite est chargée. La petite. La petite est comme mon gun, elle est chargée. La petite est chargée. Petite est chargée. La go est chargée. La petite est chargée. Petite est chargée. La go est chargée. La petite est chargée. Petite est chargée, la go est chargée, la petite est chargée, la petite, la petite est comme mon gun, elle est chargée. Wouh! Ayo, Fouini, la petite est chargée, la petite est convoquée, la petite est validée, la petite est homologuée, gros j'ai rentabilisé. Wouh! La petite est chargée, la petite est chargée, la petite est chargée. La petite est chargée. Et voilà, donc on a entendu La Fouine avec Chargé, which is kind of like loaded. Loaded? Locked and loaded. Yeah, and La Fouine is like a, I think it's like a weasel. A weasel? I think so. Ooh, yeah. Like... And it's also derogatory for like someone who's like very nosy. But yeah, kind of like smart and fast and... And the record album, or the label was Banlieue Sale, like dirty suburbs. And yeah. The suburbs is like tough, the surrounding areas around Paris. Yeah, it's kind of like inner cities here. Mm-hmm. It's the opposite phenomenon. Before that, we heard I Am avec Orthodox. I Am is a French Marseillais band from Marseille. Yeah. And it was like... Early in the 90s, it was competition between Paris and Marseille through IAM or NTM. It was kind of like the polar... I mean, they were different. It was interesting. And before that, we heard M. Pokora avec Alexandrie Alexandra, which is a cover from Claude François. And we want to dedicate that song to Romain Lorenz and make sure that... Hopefully, you heard know that how much song. You love it? Yes. We made sure we played the official clip for right. you. Right. And we saw the YouTube video also. And Romain, if you haven't heard the YouTube video, you should watch it too. Because sweet. Everybody should. It has some great choreography. And that reminds me of the Alliance Française 40th anniversary party where we had the choreographed nice. Same song, Alexandrie Alexandra. Nice. Very nice. Mm-hmm. All right. It's still cold in Minnesota. Mm-hmm. We have a minus 19 Celsius and we have a minus 3 Fahrenheit. So stay warm. Let's have some nice warm music with Kenji Girac with Macalina. Wow, nice. He's from the south too, so is yeah, we can get a little bit warmer and we can channel some palm trees. Yes, let's do that. Les palmiers? Yeah. Here we go.

KFAI is people-powered radio. Nearly every voice you hear on the station is the voice of a volunteer with a passion for their community. We are always looking for new, motivated individuals to keep making Fresh Air Community Radio happen. Find out more at our monthly volunteer orientation hosted the first Thursday of every month here at the KFAI studios, 1808 Riverside Avenue. Email volunteers@kfai.org to let us know you're coming and find your on or off-air role at KFAI today. KFAI turns 40 years old on May 1st, 2018. We'll be celebrating all year with special events and programming. We're looking for your old tape recordings, ephemera, and memories for the hundreds of programs KFAI has put on the air since 1978. We've already found some pretty cool stuff, but we'd love to hear what you have. Contact us at 612-341-3144 or at mason@kfai.org to learn more about how you can help KFAI preserve its history. Et voilà, so we heard several songs. Mm-hmm. Some that we heard was Vita and Stromae, Comme d'hab. After that, we heard Soprano avec Roule. Learned that Soprano was originally from Marseille, and I've contributed with Amadou and Mariam. They drive around in their car and listen to music too. Roule. Roule, ça roule ma poule. Ça roule. After that, we heard Matmata avec Mariotte. Mm-hmm. J'aime bien. Yeah, they are from Brittany originally. And suivi par Deprinsky and Changing. Un dernier homme. Donc ça, c'est ce qu'on a entendu. Et à venir, on va entendre Julien Doré avec Porto Vecchio et Vianney avec Dumbo. Et ensuite, on verra ce qu'on a le temps de placer. Mm-hmm. On y va. On y va. Les nuages et le spleen ont tatoué ma peau. Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage. Porto Vecchio.